Voilà, vous avez repris des forces déjà. Eh bien, après avoir repris ces forces, je vous propose un pot-pourri. Un pot-pourri dont je vous laisse découvrir le contenu. Vous n'allez pas être déçus là non plus. Thank you. Gilles Sabi et Jean-Bernard Loubert, La vallée du Besse. Et puis la suite. Capris de fond, par aux mâles et vieux cons. À la rivière fond, la courbette, comme à beaucoup d'ours en bas. Pournaine, Saint-Géry, Chauchat et Saint-Rémy ont des châteaux bien jolis. Et moi, j'aime autant la Chalvette ou Albany de Comtat, vallée du Bain. Marie en tout fraîche vallée, et chemin fleuri, tu nous emmènes au paradis. Ce si beau décor parsemé de gentilles, le vol résonne encore, le chant de notre Gévaudan. La truite va parmi les cascades et les rochers pour se cacher tout là-bas. Dans le soir qui vient, c'est le repos des grands troupeaux. C'est dans tes bois fleuris que se cache l'amour. Jolie vallée du Besse, au cœur de mon pays chéri, c'est toi le paradis. We'll be right back. belle manasse binalaise. Ses beaux yeux font rêver bien les gars. C'est la plus jolie des pastourelles que l'on aime en pensant tout bas. Jolie fille du pays d'Auvergne qui nous garde toujours ses 20 ans. En voyant ses beaux yeux, quel plaisir merveilleux de pouvoir espérer qu'un beau jour on sera le premier à prendre ses baisers et à mériter tout son amour. Vous écoutez Sorgia FM, la radio la plus proche de chez vous, sur 91 MHz. Également sur 102.5. L'écho des montagnes ? Eh oui, c'est l'écho des montagnes et c'est Gwenaël et Jo Sunny qui nous l'interprètent. Là-haut, je n'en baffe comme un écho. Yolololi, yolololi, yolo. L'écho d'un berger qui chante en gardant son troupeau. Yolololi, yolololi, yolo. La bergère jolie, au vent léger qui l'accompagne, ce petit refrain si joli. L'ami René Grelier vient pendant quelques instants nous faire la fête et avec la Fiesta del Sol. On est parti, mon cher René. Thank you. c'est pas péjoratif, hein, mais ce que je vais vous dire, eh bien, ne le prenez pas mal. Labourer des vignerons. Et c'est Sylvie Pulès qui vous l'interprète. Et je vous garantis qu'elle n'est pas bourrée du tout. Cette musique-là, c'est une musique très douce. Et cette musique très douce, je vais la dédier tout simplement à Monique. Monique Daniele. Voilà, ma chère Monique, c'est pour toi. Régale-toi. Et tu sais, quand on sait avec quels instruments cette musique a été faite, eh bien, je dis chapeau aux artistes. Il y a une guitare, il y a une flûte de pan et il y a un violon. Et avec tout ça, écoute bien ce qu'ils ont joué. Thank you. Alors, pas déçu, Monique, hein? Eh oui, je le savais. Pas du tout déçu. Allez, c'est un pot-pourri de valse-musette. Et c'est improvisé, comme vous les aimez, tout simplement. Là, nous allons passer, bonne dizaine de minutes avec René Grelier. Dans un premier temps, il va nous interpréter Pompéi. Après, c'est tout l'Italie et un titre qui nous fait bien sourire, Les Cutéreux. Mais c'est un hommage, ce n'est pas quelque chose de péjoratif. Je retourne souvent, me promener tout près de l'Ocronan. Sur la route de l'Ocronan, il y avait des menhirs, des calvaires. J'avais tout juste 8 ans, et j'en rêve encore maintenant. Plus que tout, moi j'aime la Bretagne. Son folklore illumine ma vie. Quand j'y pense, une émotion me gagne. C'est normal, c'est un si beau pays. Je ne sais rien de plus grand que cette mer au couleur fantastique. Et de Bax à l'Orient, mon amour est porté par le vent. En hiver ou en été, j'aime marcher sur la côte sauvage. Par le chemin des douaniers, l'air est pur et bon à respirer. Plus que tout, moi j'aime la Bretagne, son folklore illumine ma vie. Quand j'y pense, une émotion me gagne. C'est normal, c'est un si bon pays. J'ai des neveux à Quimper, des cousines du côté de Cancale. La reine j'étais militaire et ma femme est de l'Aube-Maria-Caire. Prenez donc tout ce que j'ai, touchez pas à ma terre natale. J'ai trop besoin de rêver entre mes bruyères et mes genêts. Plus que tout, moi j'aime la Bretagne, son folklore illumine ma vie. Quand j'y pense, une émotion me gagne, c'est normal, c'est un si beau pays. Quelques accords de mandoline dans une rue de Napoli, et toute l'Italie chante. L'on n'a qu'à presser Qatari, à Venise ou à Rimini. Oui, toute l'Italie chante. Quand on voit glisser les gondoles de Tarentelle en barcarolle, c'est toute l'Italie qui chante. Qu'on soit de Rome à Milano, Capri ou San Remo, puisqu'on est italien, on chante au sol et mio. À Ventimiglia ou à Turin, c'est le même refrain. Toute l'Italie chante avec les mains, les mains. On n'a pas oublié Gigi l'Amoroso, toi maman la plus belle et Bambino. On a tous dans le cœur toutes ces mélodies qui nous ont fait chanter et danser tant de nuits. Toute l'Italie chante. Oui, toute l'Italie chante. C'est toute l'Italie qui chante. quoi qu'on en fasse, sur la terre il y a deux sortes de gens. Les citadins, ça c'est une race, et puis l'autre c'est les paysans. Les pecnos, ça c'est la nature, c'est le soleil et puis le ciel bleu. C'est la moisson, c'est la verdure, c'est la terre quoi, les QTE. C'est la belle vie à la campagne, c'est le grand air et la liberté. La ville c'est l'enfer et le bagne, on est à moitié asphyxié. À la cambrousse, y a pas d'usine, pas de détritus, on est heureux. Y a pas de microbes dans nos poitrines, car ils sont sains les cutéreux. Oui, c'est ben nous, les gars de la terre, qui nourrissons les citadins. Qu'on sème pas de blé ni de pommes de terre, il serait pas long à crever de faim. C'est vrai qu'on envoie à la ville les fruits, les légumes tout véreux, car on n'est pas des imbéciles, ils savent nager, les cutéreux. Le gouvernement qui est pas trop bête ne nous a pas encore taxés. Il sait que le paysan est le maître, c'est pour ça qu'il n'a pas osé. À la ville on fait sur le salaire, sur le chiffre d'affaires ça c'est honteux. Nous on sait bien se tirer d'affaires, ils sont malins les cutéreux. Les gens de la ville, quand ils se baladent à la campagne, c'est rigolo. Ils prennent des choux pour des salades et du maïs pour des poireaux. Ils prennent un pavot pour une rose, ils distinguent pas une vache d'un bœuf. Même si on ne connaît pas grand chose, ils se foutent de vous, les cutéreux. Nos femmes sont des femmes de la terre, c'est frais, pas besoin de poudre de riz pour leur ravaler la cafetière avec toutes sortes de coloris. Nos filles à nous, elles sont toutes belles, puis elles contentent leurs amoureux. Elles sont vivaces, sacrées femelles, ça c'est de la graine de cutéreux. Petite fleur fanée, ça vous rappelle quelque chose? Eh bien, on est parti pour l'écouter avec Seb Presta. Vous écoutez Sorgia FM, la radio la plus proche de chez vous, sur 91 MHz. Également sur 102.5. V'la donne-moi. N'a longtemps qu'elle est fanée. Puis souviens, comme ça elle est loin. Puis souviens, mon énale adorée. Le petit bouquet, v'la donne-moi. Il y a longtemps qu'elle est fanée. Puis souviens, comme ça elle est loin. Il faisait frais. Dans l'arbre n'avait la rosée. Dans les bois, oiseaux y chantaient. Mais marchait dans la forêt. Il faisait bon, il faisait frais. Dans l'arbre n'avait la rosée. Dans les bois, oiseaux y chantaient. passé, il reste plus qu'un doux souvenir. Quand m'y pense, mon cœur est brisé. Tout ici, comme ça doit finir. Depuis ça, le temps a passé, il reste plus qu'un doux souvenir. Quand m'y pense, mon cœur m'est brisé. Tout ici, comme ça doit finir. On arrive au bout de cette première partie de l'émission avec Sandrine Tarrère, un medley de cha-cha-cha.

Quelquefois, oui, quelquefois, c'est difficile, c'est même lourd de porter sa vie. Mais avec cette chanson de Gérard Berliner, allez, ça se passe pas trop mal. Si vous saviez ce qu'à l'intérieur, j'ai comme souffle, comme cœur, j'ai comme chose jamais dite. Si vous saviez ce que dans les yeux, j'ai comme sable, comme bleu, j'ai comme sang qui court trop vite. Si vous saviez dans le sommeil ce que je traverse comme océan pour voir où les étoiles tombent, pour que ma tête pleine de soleil, moitié penchée comme un voilier, vous dise les îles de la sonde, de la sonde, de la sonde. Je porte ma vie comme un trop-plein de mauvais coups et de chagrin. Et l'enfance déconstruite, je porte mes pieds, je porte mes pieds, je porte mes mains. Si vous saviez, si vous saviez, si vous saviez tout ce qui me pousse à chanter. Les choses sont ce qu'elles sont, parfois plus hautes que nos maisons, et elles dépassent nos épaules. Et elles nous empêchent de voir, comme un rideau coupe l'espoir, toute la terre et ses deux pôles. Toujours on se méprend sur les gens, alors que pris différemment, on n'a pas tous la même chance. Alors on va au bout de la vie avec des valises de soucis. Dieu, qu'elles sont lourdes et que l'on pense, que l'on pense, que l'on pense. Je porte ma vie comme un trop-plein de mauvais coups et de chagrin. Et une enfance déconstruite, je porte mes pieds. Je porte mes pieds, je porte mes mains. Si vous saviez, si vous saviez, et si vous saviez tout ce qui me pousse à chanter. On est vivant comme l'on peut, c'est pas d'aimer qu'on devient vieux et que l'on craint toutes les tempêtes. J'irai de jour, j'irai de nuit, comme un aveugle toujours surpris de croire encore aux allumettes, aux allumettes, aux allumettes. Je porte ma vie comme un trop-plein de mauvais coups et de chagrin. Et une enfance déconstruite, je porte mes pieds, je porte mes pieds, je porte mes mains. Si vous saviez, si vous saviez, si vous saviez tout ce qui me pousse à chanter. Et comme le fou, j'irai au bout, j'irai sentant, j'irai chantant. Jeter, jeter vos cœurs cassés, je ferai tout pour les réparer. Je vous donnerai des soirs heureux, vos souliers et vous porteront mieux. Je porte ma vie comme un gros plein de mauvais coups et de chagrin. Et une enfance déconstruite, je porte mes pieds, je porte mes mains. Si vous saviez, si vous saviez tout ce qui me pousse à chanter, c'est que tellement vous existez. L'amour est un bouquet de violettes. Oui, avec Luis Mariano, c'est tout autre chose, ça change tout.

Vous écoutez Sorgia FM, la radio la plus proche de chez vous, sur 91 MHz. Également sur 102.5. Endormi, ça fait pas de bruit à l'eau du lac en noir et blanc, comme la flaque d'un point d'orgue dans le rang templant d'une symphonie pitard. Les cygnes qui passent et lisent la berge grise d'un drôle de mont blanc retourné, et ça c'est bien ou bien. Genève sous la neige, c'est comme Genève endormie, ça fait pas de bruit. Genève au printemps, t'as le salève qui tombe dedans, quand il y a beau temps, les tulipiers de l'Athénée donnent en premier comme le signal d'une embardée de giboulées. Pital jura qu'est face à toi comme une armée de petits soldats ou des jeunes coqs avant le combat. Ouais, ça c'est bien ou bien. Genève au printemps, t'as le salève qui tombe dedans quand il y a beau temps. Genève en juillet, sort ses fontaines d'eau glacée sur les pavés pitagés d'eau, tout droit sur l'eau qui fait l'artiste et qui fait le beau pour les touristes et leurs photos à la clémence. Le soir commence, le chahut de la jeunesse qui danse devant le tribunal en vacances. Ça c'est bien ou bien. Genève en juillet sort ses fontaines d'eau glacée sur les pavés. Genève en automne, t'as du rouge et de l'or qui frissonne avec la pluie. T'entends le bruit des écoliers et tout ce chenil à la récré qui viennent la rue des chaudronniers. Et puis t'as chez toi un feu de bois qui te fait croire que t'es à l'opéra. Tellement c'est beau que t'y crois pas. Et ça c'est bien ou bien. Genève en automne, t'as du rouge et de l'or qui frissonne avec la pluie. Genève sous la neige, c'est comme Genève endormie, ça fait pas de bruit. Ça s'est passé un dimanche. Oui, il paraît que ça s'est passé un dimanche. Et c'est Maurice Chevalier qui nous le précise. Elle avait tout pour lui plaire, il avait tout pour lui plaire aussi. Mais elle habitait à Bécon-les-Bruyères et lui demeurait à Bercy. Il suffisait que le dieu de l'amour les fit se rencontrer. Cette rencontre eut lieu un beau jour, je vais vous la raconter. Ça s'est passé un dimanche au bord de l'eau. Elle avait sa robe blanche, lui son knickerbocker à carreaux. Il avait également des petits yeux rigolos et une langue qui était bas dans sa manche. Si bien qu'il invita la jolie dactylo à se cacher du soleil sous les branches. Ça s'est passé un dimanche au bord de l'eau. La demoiselle était sage, sur l'herbe elle refusa de s'asseoir. Mais son cœur battait très fort sous son corsage, elle lui jura de le revoir.

Dis-moi juste que tu es ici, sous l'océan enfoui, dans les bras d'une sirène qui te chantera toute la nuit, te chantera toute la nuit. Franck Michael, ah, l'italo-belge, ou le franco-belge si vous le voulez. Oui, mais voilà, nous verrons Vérone, et vous verrez peut-être les amants à travers cette chanson, sait-on jamais. Le feu de leurs 20 ans qui rayonne, et au creux de leur lit, ils rêvent d'Italie, de Vérone. Dans leur nuit de velours, ils jurent les yeux dans les yeux qu'elle va bientôt fêter leur amour, la ville des amoureux. Nous verrons Vérone pour dédier tous nos je t'aime, nos serments à la fontaine de la Madone. Nous verrons Vérone, le balcon des deux amants, notre histoire nous attend. Nous verrons Vérone. Juliette et Roméo, s'ils les voient de là-haut, sont heureux, puisqu'enfin le roman va finir autrement que pour eux. Et ce couple anonyme que la légende oubliera va devenir un des plus sublimes pour s'être dit ces mots-là. Nous verrons Vérone pour dédier tous nos je t'aime, nos serments à la fontaine de la Madone. Nous verrons Vérone, le balcon des deux amants, notre histoire nous attend. Nous verrons Vérone, tu l'es mon secret jusqu'à la folie. Tu prends sa main et puis soudain tu lui dis: nous verrons Vérone pour dédier tous nos je t'aime, nos serments à la fontaine de la Madone. Nous verrons Vérone, le balcon des deux amants, notre histoire nous attend. Nous verrons Vérone, nous verrons Vérone. Pierre Bachelet avait interprété cette première, pour la première fois, cette chanson en 1987, parti avant d'avoir tout dit. Déjà visionnaire à l'époque, le Pierre. Ils avaient le cœur en bleu, ils avaient le temps, la vie devant eux. Mais l'éclair, le tonnerre leur a fauché leur jeunesse et leurs idées. Une phrase interrompue, ce rire étonné qu'on n'entendra plus.

partez tous en campagne, en plaine à la montagne. Tuez pas les paysans, il en faudra tout le temps. Voilà, c'est fini. Merci de votre fidélité. À très bientôt. N'oubliez pas, mardi, la rediffusion de cette émission. À très bientôt sur le 91, sur le 102.5 de Sorgia FM. Je vous aime et je vous embrasse. Bye bye.